Activités 5 et 6. Encore un nouveau livre, Leïla ? Mais t'en lis combien par mois ? Oh, ça dépend, mais en moyenne, 2 ou 3. Moi, tu sais, dès que j'ai su lire, les livres, c'est devenu ma passion. Pas toi ? Si, moi aussi, j'aime bien lire, mais je n'ai plus beaucoup de temps depuis que j'ai des enfants. Je dois en lire 3 ou 4 par an, pas plus. Et surtout pendant les vacances. Ah, moi ? En vacances ou pas ? Je lis tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Dans le métro, chez le dentiste, en faisant la queue à la poste même. Et puis, le soir, dans mon lit aussi. Et comment tu fais, toi, pour choisir un livre ? Oh, soit c'est un auteur que je connais et que j'aime, et je l'achète direct, soit j'en ai entendu parler, ou bien il a eu un prix, alors je regarde, et c'est les premières pages qui décident si je veux le lire ou non. Et toi, Elodie ? Moi, c'est plus hésitant. Je regarde la première et la dernière page, je lis la 4e de couverture, je feuillette jusqu'à ce qu'un passage retienne mon attention. Et si ça me plaît, je l'achète. Au fait, il est bien ton bouquin ? Parce que j'ai entendu une interview...